Donc Lux Poren, le directeur de Nigo, qui est la société qui a imprimé cet ouvrage-là en impression à la demande, avec la technique d'impression à la demande, et Virginie en Belgique. Et Virginie Cassin, qui est chargée du développement numérique à Ecoreditis, auprès d'Editis, et qui est présidente de la commission numérique du syndicat national des éditions. C'est la première fois que je reçois quelqu'un du syndicat national des éditions, et nous sommes heureux que des liens se nouent avec des mondes qui, jusqu'à présent, ont relativement peu communiqué. Donc c'est bien, c'est une bonne nouvelle, en fait, qui nous permet... de nous rapprocher. Vous avez noté qu'ici, il y a relativement peu de représentants du secteur privé. Je pense qu'à terme, il faudrait qu'on soit capable de constituer une profession indépendamment des modèles économiques, au moins partiellement, parce qu'il y a une profession qui a des compétences. Ces compétences-là sont relativement transversales, me semble-t-il. Et donc, nous travaillons tous dans ce sens. Ça mettra quelques années, probablement, si ça marche un jour. Et c'est la première pierre qu'on essaie de mettre ensemble en place. Ce soir. Voilà, donc je vous laisse la parole sur l'impression à la demande, qui est un peu un miroir à la droite, sur lequel on pense des choses un peu tous au contraire. Hein, je dirais que pour vous lancer, que l'impression à demande, selon la deux croyances, il y a une croyance qui laisse penser que ça pourra remplacer c'est le successeur de l'impression tout court, parce que ça résout tous les problèmes de stock, etc. C'est une solution universelle, dont nous ne sommes pas tout à fait certains. Et l'autre représentation commune, c'est que ça va permettre à Madame Nussbuck de publier ses mémoires auprès de ses 10 enfants et que ça va rester là et que c'est de l'auto-édition, mais pas de l'édition. Et donc, il y a des questions qui se posent à la profession sur l'édition autour de ces technologies. Je pense que c'est en fait plus compliqué, donc c'est l'objectif de votre dialogue de ce soir. Ok, merci. Je vais essayer de vous montrer un peu l'histoire qu'on avait fait avec Unibook, sans vous en parler trop de Unibooks nous-mêmes. Peut-être pour commencer, le livre numérique, l'impression à la demande, l'impression numérique. Je pense qu'il y a des grosses différences entre les mots, c'est-à-dire, probablement vous tous vous connaissez assez bien l'offset. Donc ce sont les grosses machines avec des rouleaux, chaque couleur il y a un rouleau. Et là, c'est utilisé actuellement encore assez souvent pour les gros tirages, les éditions classiques. Par contre, il y a à côté, il y a aussi l'impression numérique, à vrai dire un copieur enlargi. C'est pas beaucoup plus que ça. Et ensuite, il y a la troisième partie, c'est l'impression à la demande. Parce que là, parfois, il y a des différences en compréhension, impression numérique, impression à la demande. Avec Unibook, on a créé un logiciel, on a créé un site, pas vraiment unique, mais on a combiné un peu les différentes choses qui existent déjà pour donner la possibilité à tout le monde de créer son propre livre. En avant de ça, j'aimerais bien vous juste présenter un tout petit peu l'entreprise dans laquelle je fais partie. Pas pour faire du promo, non, mais juste pour vous montrer que c'est une entreprise qui existe parce que être actif en Internet, parfois ce sont des gens qui travaillent en petits groupes qui sont un peu flux, qui sont inconnus, que les gens ont toujours un peu peur de dire « Ok, c'est qui derrière ça ? Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que je vais faire quand mes fichiers sont là ? Je place une commande online, quand est-ce que je reçois encore quelque chose ?» Juste pour vous montrer que ça pourrait être aussi différemment. Donc ça, c'est l'entreprise, c'est le groupe Pelman Industries, c'est une entreprise belge, correct, qui est située quand même en 120 pays dans le monde entier. Et pas avec le produit Unibook, pas encore, mais certainement avec le produit Unibint, et ça c'est quelque chose qui est créé par Unibint, c'est un système à relier assez facilement, qui est peut-être bien connu dans le monde du bureau, du office. Le groupe comme il est situé actuellement, je dis c'est à l'un côté, c'est Unibint, c'est la plus grande partie, qui font le produit office, mais certainement aussi dans le domaine du photo. Et quand je voyais ici, il y a autant de gens qui utilisent un appel, par exemple tous les catalogues ou albums photo faits made on a Mac, c'est aussi du produit Unibint. C'est plutôt ça, ce produit-là, avec une couverture rigide, juste pour vous montrer. À l'autre côté, vous avez Unibook. Avec Unibook, c'est une plateforme. Ça, c'est un peu la mission Unibook, mais ça pourrait également être la mission d'un autre éditeur online. Donc, être une plateforme unique pour créer, publier en ligne et trouver des livres en impression à la demande. Bon, c'est beaucoup qu'on a créé. créer votre propre livre, le publier, le mettre en public, le diffuser même en ligne. À l'autre côté, vous avez les lecteurs qui peuvent trouver et acheter vos livres, et puis on va les imprimer, impression à la demande, à l'unité. Et ça, c'est déjà une grosse différence. Très important, ce n'est pas le but de devenir un éditeur. Ça veut dire que la plus grande partie des livres sur notre site, on n'a pas vu. Il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de garantie non plus. Ça, c'est un choix. Il y en a des autres qui disaient, OK, on va jouer l'éditeur en ligne. Pour nous, ça, ce n'est pas un but. Ça, c'est un peu l'histoire lancée en 2007, offert des services vers les éditeurs pour mettre en disponibilité les livres épuisés et puis encore aller plus loin dans la personnalisation. Ça, c'est un peu une e-book aujourd'hui. Donc, le site même est disponible en 15 langues différentes. Et quand on disait que nous sommes une entreprise imprimeur, ça, ce n'est pas le cas. On n'a pas notre propre imprimerie. Ça veut dire que qu'on va travailler avec des imprimeurs, des partenaires qui sont situés dans le monde entier. Donc, actuellement, on imprime en Belgique, en Pologne, on imprime en Japon et on imprime en États-Unis. Et comme vous voyez ici, donc la plupart des pays, c'est l'Europe. Donc là, c'est un peu l'idée d'aller imprimer le plus proche des clients finaux. Actuellement, parce que la France, on vient de lancer en France cette année-ci, en mars, pendant le Salon du Livre, on n'a pas encore le volume assez d'aller imprimer ici en France, mais je pense que ça viendrait assez vite. Ça, c'est un peu le concept, ça, c'est un peu l'idée. Dire que Unibook était le premier, non. Dire que Unibook était unique, non. On a juste fait collectionner un peu les connaissances internes, le savoir-faire du business international chez Unibook. Oui, le Web 2.0, ça c'est quelque chose qui existe déjà il y a longtemps, de plus en plus utilisé actuellement. La même chose avec le boutique en ligne, relié à la demande, ça c'est quelque chose avec laquelle on a autant d'expérience chez à interne. Et l'impression à la demande, comme je l'avais dit, la qualité a augmenté, la possibilité d'imprimer un livre à l'unité a fortement croisé. Et aussi les prix sont baissés. Certainement le noir et blanc, en couleur, ça reste encore une grosse différence. Tout ça nous permet à publier un livre, son propre livre à l'unité, et de le vendre s'ils veulent online. Donc dans la plupart des cas, le site c'est le point central. C'est sur le site que vous allez télécharger vos coordonnées, c'est dans le site même que vous allez télécharger vos fichiers, le fichier en PDF ou en Word. Dès que vous avez téléchargé vos données, ils se seront stockés sur un serveur extérieur. Et ça, c'est très important parce que, certainement chez les éditeurs, mais certainement aussi entre vous, il y a un grand souci, un grand danger. Qu'est-ce qui va arriver avec mes fichiers? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il y a encore une certaine sécurité? À vrai dire, il y a toujours une chance que le site est, comment on dit ça, hacké, piraté, voilà. Pour cela, on est à la recherche d'un partenaire assez rigide, mais il y a toujours le danger. Mais c'est la même chose un peu actuellement. Si vous allez aller à l'imprimerie avec votre fichier en stick ou en version papier, il y a aussi le même risque. De l'autre côté, vous avez la possibilité de mettre sur le site vos livres, vos publications en public, en privé. Et à vrai dire, en 2007, quand on a démarré, on a cru que la plus grande partie de nos clients étaient des écrivains qui ne trouvaient pas un éditeur. Par contre, actuellement, 70% de nos clients, 70% de nos auteurs, ce ne sont pas des écrivains, non, ce sont des gens, peut-être pas comme vous et moi, mais ce sont des gens qui ont créé quelque chose, qui est à la recherche de publier quelque chose. Pour l'un, c'était les recettes de sa grand-maman. Pour quelqu'un d'autre, c'était un peu de poésie. Pour quelqu'un d'autre, c'était un voyage en groupe en Chine qui disait, OK, au lieu de faire mon album sur un site, je vais le combiner avec les images et un peu de texte. Ça, c'est la plus grande partie. Et là, vous avez la possibilité de mettre en privé, en public. Pour eux aussi, et certainement pour nous, c'est aussi de trouver la possibilité de les vendre, pour certains avec un peu de marge, pour d'autres juste pour le plaisir. Donc comment fonctionne ça, juste pour vous mettre au clair? À l'un côté, vous avez le visiteur du site qui va contacter, qui va visiter le site et qui va trouver un certain livre. Il dit « Oh, je suis intéressé là-dedans, je peux l'acheter ». À ce moment-là, il n'y a pas de lien direct entre les fichiers, donc le serveur extérieur et les sites. Non, C'est après que le système va envoyer les fichiers d'impression vers l'imprimeur, vers l'imprimeur préféré. L'imprimeur préféré, ça dépend là où vous vous êtes bloqué. Donc avec ça, on essaye d'avoir un bénéfice pour le visiteur de dire, OK, il n'y a pas d'intérêt d'envoyer un livre de Belgique jusqu'à l'Amérique. Aussi là, pour avoir un certain standard, on a choisi pour deux types de papier. Deux types de papier. L'un s'appelle Munken 90. C'est un papier qui est fort utilisé par les éditeurs. Parce que c'est un papier assez agréable pour lire. Par contre, le livre que vous voyez maintenant devant vous, le Read and Write Book, ça c'est fait sur un autre papier qui vous permet aussi assez facilement de faire des petites notes. Le Munken, c'est plutôt un papier littéraire. Par contre, à l'autre côté, vous avez le Magno Satin, ça c'est un papier utilisé pour faire l'impression à la demande, pour faire l'impression numérique en couleur. Donc ça c'est le partenaire qu'on a choisi, ça c'est quelques des clients. J'aimerais juste vous montrer un qui est juste au milieu, c'est Reuters, donc c'est l'agence presse assez reconnue qui gère les fiches, qui gère nos fichiers, mais qui gère aussi les articles des journalistes. Et en plus, qui allait encore un peu plus loin, parce que sur leur serveur, les articles des journalistes sont stockés. Ça veut dire que les autres agents de presse peuvent les consulter, peuvent les contacter, peuvent les reprendre. Et là, c'est aussi l'importance d'avoir une certaine sécurité. Mais à vrai dire, tout système est si secure, est sécurisé jusqu'au moment que s'il est piraté. Il faut être certain, ça c'est une chose qui est claire. Comme je l'avais dit en avant, écrire un livre, c'est autre chose que créer un livre. Avec ça, je vais juste vous dire qu'il faut avoir un certain logiciel qui vous permet à créer un beau livre. Ici, j'ai quelques exemplaires. Si c'est bon ou pas, ça c'est personnel, mais ça vous permet à créer un livre qui apparaît comme un livre et pas des photocopies qui étaient reliées à un autre système. Le lien fort entre les deux entreprises, c'est juste de vous dire qu'aller plus loin dans la personnalisation. On a trouvé que, parce que nous sommes une entreprise économique, commerciale, que les gens sont toujours prêts à payer un prix pour quelque chose qui est personnalisé. Et pour cela, la technologie, la demande du marché allait toujours plus loin de créer des choses plus personnelles. Donc, actuellement sur le site, c'est la même chose, et ça c'est un peu la différence entre les modèles différents économiques. Nous ne sommes pas un éditeur, c'est pour ça qu'on offre aussi un service vers les éditeurs. Certainement les particuliers, quand on leur donne la possibilité de créer leurs propres livres, les entreprises, mais aussi certainement les universités, de leur donner la possibilité de publier un livre en des formats différents. Par exemple, on a ici un exemple, ça c'est l'Université Louvain en Belgique, qui a créé un Value Chain Restructuring in Europe, donc un rapport qu'ils ont créé avec un tas de gens et qui ont dit, OK, on va mettre en disponibilité sur notre site. C'est un rapport qui a été publié il y a quelques mois. S'il y a des gens qui sont intéressés dans ce rapport-là, ils peuvent l'acheter ou bien ils peuvent le télécharger ou bien imprimer gratuitement le PDF. Mais parfois, il y a des gens qui disaient, OK, on est 5 collègues, au lieu d'imprimer 5 fois ce rapport-là, c'est peut-être plus économique de en acheter une. Comme ça, on a le en format imprimé. Mais ça, c'est un peu les possibilités que l'impression numérique à la demande peuvent vous donner en créer vos propres à tour, en créer votre propre possibilité pour votre entreprise ou société. Pour les éditeurs, il y a donc les titres épuisés et les micro-éditions. Donc, ça se pense plus intéressant. Le monde du livre est en plein bouleversement. Je pense que le POD, le Printing on Demand, c'est quelque chose. Ensuite, il y a aussi le livre numérique. Actuellement, ça c'est une grosse révolution. Donc, à partir du moment que Gutenberg a créé sa machine pour imprimer des livres, je pense que ça, c'est la deuxième grosse révolution dans le même domaine. Ensuite, avec ça, il y a aussi certainement les nouveaux canaux de diffusion, mais certainement aussi les nouveaux acteurs sur le marché. Et là, personnellement, je suis un peu... Oui. C'est pas encore très clair qu'est-ce que ça va donner, parce que ce sont les 7 acteurs-là, certainement les propriétaires du réseau, les gens comme Amazon qui vont faire un choix pour nous par voie de nous donner la possibilité de voir certains livres, oui, et d'autres peut-être pas, qui vont donner accès à certaines œuvres, mais peut-être d'autres œuvres pas. Et ça, c'est un peu dangereux, je pense, à vrai dire. Donc, à côté de ça, il y a l'économie d'échelle, le développement durable. Comme vous l'avez dit, est-ce que le numérique va remplacer le livre classique? Je pense pas. Ça sont juste deux types de modèles que j'ai dit aussi au début. Il y a le livre offset, il y a le petit tirage pour les éditeurs, en petite quantité. Probablement, une question, c'est quand est-ce que ça devient intéressant de changer en numérique, quand est-ce que ça devient intéressant de rester en offset. Ça dépend du nombre de pages, parce qu'en offset, c'est pas vraiment le nombre de pages qui compte, mais c'est le nombre des livres. En numérique, chaque page a son prix, c'est un clic. Le plus de clics, plus que ça vous coûte. Et ça fait une grosse différence entre les deux versions économiques. Par exemple, un livre littéraire, ça peut que coûter 19 euros. Par contre, un livre économique de 90 pages ou de 90 pages peuvent être vendus à 30 euros. Il n'y a pas personne qui a un problème avec ça. En numérique, c'est le nombre de pages qui fait le prix. Pour nous, pour Unibook, on a choisi la demande du marché. Parce que là, on est convaincu que dans notre modèle, un modèle acceptable, un modèle économique, nous permet à imprimer à la demande, à l'unité, quand quelqu'un le demande et pas avant. Donc, il n'y a pas d'investissement. Un peu les expériences qu'on avait avec des éditeurs, des entreprises éditeurs, éditions, excusez-moi, en Belgique et en Hollande, pour qui on avait créé un service supplémentaire, les livres épuisés. Les livres épuisés, ça c'est un des problèmes pour un éditeur. Hein, parce qu'à un certain moment, chaque livre vient à un certain moment du moment que, ok, est-ce qu'on va les réimprimer en offset en numérique et est-ce qu'on va aller en rupture de stock ou pas. Et ça c'est un peu la relation entre l'auteur et l'éditeur qui devient un peu plus sous pression, et parce que les auteurs de nos jours sont plus commerciaux qu'avant, qui disaient, ok, si c'est pas vous, j'allais avec mes droits autre part. Donc ça c'est un peu le système qu'on a créé pour la Belgique et le Benelux. Je pense que c'est très comparable aussi en France. Par contre, il y a un peu de différence entre système de distributeur. Mais juste pour vous parcourir un très bref, donc ce sera le consommateur qui est le moteur qui met tout en marche. Le consommateur qui allait aux librairies et disait, ok, j'aimerais bien avoir un certain livre d'un certain éditeur ou un certain écrivain. Et à ce moment-là, actuellement, c'est la librairie qui va vérifier le système ou dans son stock et dire, ok, le livre est en stock, je peux encore commander ou il est hors stock. Et maintenant, ça s'arrête là. Là, on leur offre donc les éditeurs qui restent en contact avec l'auteur parce que ça, c'est leur profession, en contact avec eux, de dire, ok, au lieu d'avoir ces ruptures de stock, vous pouvez le mettre en disponibilité sur nos systèmes, et comme ça, le système va aussi guider le donné du livre, de dire, ok, le livre est encore disponible. Ça vous permet de prolonger le vie d'un livre. Parce que, par exemple, en le domaine néerlandais, chaque année, il y en a environ entre 100 et 20 000 nouvelles publications. Ça fait que le vie d'un livre ou la présence d'un livre dans la librairie même a baissé de 6 semaines jusqu'à 3 mois. Ça veut dire que autant de fois les livres ne sont plus disponibles non plus dans la librairie. Donc ça c'est un service qu'on sommes en train de mettre dans le marché dans les différents pays. Ça c'est un peu encore expliqué le tout. Et ça c'est un peu le futur, demain. Je ne pense pas que ce sera encore opérationnel demain, c'est-à-dire ça existe déjà pour un tel nombre de livres. Mais je pense que chez les entreprises, les éditeurs, il faut faire encore un approche différent. Actuellement, tout se commence encore avec le dossier qui est utilisé pour envoyer vers l'imprimeur classique. Dans le futur, je pense que c'est beaucoup plus important de commencer avec un produit électronique que vous pouvez envoyer vers les différents canaux de diffusion, c'est-à-dire impression classique, impression numérique, e-reader, audiobook, des choses comme ça. Et ça, c'est un peu comme moi personnellement et aussi avec Unibook, ce que je prévois le futur, que ce sera un peu aussi un changement d'approche du travail ou de profession de maison d'édition. Et ça, c'était un peu. C'est bien. Oh, ouais, voilà, c'est ça. Parfait. On va écouter Virginie dans le second temps sur Oui, alors, je vais donner un point de vue un petit peu d'éditeur, et puis je vais aussi peut-être poser des questions à Luc. Hein. Et puis c'est bien si aussi vous posez des questions, parce que c'est tellement plus agréable de dialoguer sur ces questions. Alors, une question que je me pose à moi-même pour commencer, et que je vous pose aussi à tous en même temps, c'est impression à la demande. En fait, pour avoir une espèce de typologie dans les sens qu'on peut donner à ce terme, c'est se demander une impression à la demande, mais à la demande de qui? Voilà, qui est à l'origine de cette demande? Donc, ça va recouvrir un petit peu des choses que vous venez d'expliquer. Mais c'est vrai que deux modèles d'édition, entre guillemets, complètement différents, vont tous les deux utiliser la technologie de l'impression numérique. L'impression numérique, c'est une technologie, c'est pas du tout un modèle économique. Par contre, l'impression à la demande, ça recouvre différents modèles économiques. Si cette impression à la demande est à la demande de l'auteur, ça a été évoqué, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est vrai que ce que je pensais, moi, il y a quelques années, quand je ne m'étais jamais trop penchée sur ces questions, ce que je pensais d'un auteur qui lui-même décide finalement de bypasser la chaîne éditoriale et de s'auto-éditer, l'idée la plus commune à son sujet, c'est que c'est un auteur qui est, voilà, c'est pas très flambant. Les Américains appellent ça le vanity publishing. Ça en dit long sur l'image que l'auto-édition pouvait avoir. Donc ça va du vieux monsieur qui veut absolument publier ses mémoires en sachant que ça intéressera pas beaucoup de monde, ou ce qu'on appelle aussi les wannabes, des gens qui essayent désespérément de se faire publier pendant des années, qui n'y arrivent pas, et puis qui ont tellement envie d'avoir leur nom sur la couverture d'un livre, ils finissent par payer pour avoir leur nom sur la couverture du livre. Donc j'avais cette idée, pour moi l'auto-édition c'était ça, et comme vous venez vraiment de le rappeler, pas du tout. Alors, enfin, il y a de ça dans l'auto-édition, mais il y a infiniment d'autres occasions de vouloir publier un livre, et qui ne sont pas des occasions de se prendre ou de vouloir se croire un instant un écrivain ou un auteur, en essayant d'oublier qu'il n'y a pas il y a aucun éditeur qui a choisi votre manuscrit, et voilà, et de faire malgré tout un peu au forcing un livre. Non, il y a beaucoup d'occasions que vous avez décrites où publier un livre, en fait, c'est une commodité. C'est-à-dire que ça va être un moyen, non pas de se raconter une histoire sur la valeur de sa propre écriture, mais de partager avec son entourage des images, des textes. Et comme vous le dites, c'est ce qui fait le plus gros de votre activité, de l'activité de votre plateforme. Et donc, c'est pas du tout du vanity publishing, c'est de la commodité, c'est quelque chose de pratique et d'utile. Et c'est assez intéressant de voir que cet aspect de la commodité du livre imprimé revient un petit peu en force avec ces plateformes d'auto-édition. Ça a toujours existé, l'auto-édition. Simplement, tant qu'il n'y avait pas ces outils en ligne, il fallait contacter soi-même un imprimeur. C'était juste plus compliqué à faire, mais le concept a toujours existé. Et même des éditeurs, certains prestataires qui se nomment éditeurs proposent à des auteurs de payer pour être édités. Ça a toujours existé. Et même aussi des grands auteurs, des poètes, des gens qui ne trouvaient pas d'éditeurs, et même des poètes connus, ont aussi parfois payé la publication de leurs livres. Donc c'est pas non plus toujours quelque chose de honteux ou la preuve qu'on n'a pas de talent. Mais malgré tout, la plupart des gens qui vont faire cette démarche d'être à l'origine d'une impression à la demande, c'est-à-dire de demander l'impression de quelque chose, sont des gens qui ont besoin du livre parce qu'il est commode. Et c'est un petit peu paradoxal qu'à une époque on est dans la dématérialisation, et puis c'est tellement mieux quand c'est virtuel, etc. Tout à coup, on s'aperçoit qu'en fait un livre, c'est quand même drôlement commode. Voilà. Donc c'est pas pour faire l'apologie du livre au nom du SNE, pas du tout. C'est une constatation que j'ai faite. En plus, moi, dans mon parcours professionnel, je viens du numérique. Je suis pas quelqu'un qui a grandi dans une maison d'édition. Je travaille avec des maisons d'édition depuis relativement peu de temps. Donc j'ai pas cette culture ou cette vénération du papier. J'aime les livres comme tout le monde, mais c'est pas c'est pas un cheval de bataille. Je suis intéressée d'observer ce que les gens font avec ces différents objets. Donc, une première chose, évacuer cette idée reçue que l'auto-édition, c'est toujours du vanity publishing. Non, c'est un service, en fait. C'est un service qu'on propose aux gens qui leur permettent de répondre et qui répond à un besoin. Ensuite, il y a aussi... Ça peut être à la demande... Pour que ce soit à la demande... Alors, ça peut être aussi à la demande du lecteur. C'est-à-dire, c'est bien différent. C'est-à-dire, c'est pas l'écrivain qui souhaite que l'impression soit réalisée, c'est le lecteur. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que sur des sites... Je vais prendre un exemple au Royaume-Uni, parce que c'est celui qui me vient en tête à l'instant. Faber & Faber. On propose... sur leur site d'éditeur, aux clients de commander à l'impression, en impression à la demande, des livres épuisés. C'est une idée formidable. Je pense que dans son projet Google, avec son projet de Google Livres, c'est pas encore possible, mais ça fait partie des choses qui sont envisagées. C'est-à-dire l'idée d'avoir une très grande base de données de livres effectivement épuisés, qui ne sont plus disponibles, qui attendent plus en pile quelque part que quelqu'un veuille bien les acheter, mais dont on peut décider l'impression au moment où le client les achète. Alors, donc ça, c'est un cas très intéressant. Ça, quelque part, le livre devient éternel, enfin potentiellement éternel, puisque une fois qu'il est épuisé, il n'est pas complètement épuisé, il est endormi simplement. Et puis on peut le réveiller d'un coup de clic sur la plateforme d'une bibliothèque ou d'un éditeur. Faber & Faber a fait quelque chose d'assez intéressant d'ailleurs dans son projet d'impression à la demande de livres épuisés. Il y a toujours un problème quand on fait soit du livre numérique, soit du livre numérique en impression à la demande, c'est des problèmes de droit sur les couvertures. Une fois qu'on a, avec beaucoup de mal parfois, obtenu les droits numériques auprès des auteurs, parce que faut savoir une chose, c'est que quand on demande leur avis aux auteurs, avant, numériser, ça prend beaucoup de temps. Hein. Si on ne demande pas, ça va très vite. C'est quelque chose que j'ai retrouvé dans un des textes du Rewrite Book sur le pirate comme bibliothécaire. Et voilà, les gens qui piratent les livres, ils les piratent très vite. Évidemment, si on ne prend pas le temps de demander aux auteurs, ça va plus vite. Les éditeurs demandent l'autorisation à leurs auteurs pour faire une exploitation numérique de leurs œuvres. Bien souvent, c'est très compliqué d'avoir l'autorisation aussi des auteurs de la couverture. Il y a des droits aussi, les illustrateurs, les photographes ont des droits d'auteur, et un éditeur qui remettra en circulation dans une version numérique un livre avec sa couverture se met en position d'être attaqué en justice par un illustrateur, une agence, un photographe s'il n'a pas négocié les droits numériques. Donc ça pourrait énormément freiner des projets de réédition à la demande. Pas tellement que les ayants droit ne voudraient pas, mais c'est surtout que c'est très très difficile de les retrouver quand il s'agit de très vieux ouvrages. Donc Faber & Faber a trouvé cette idée a demandé à une femme designer américaine d'imaginer un système de création de génération de couverture à la demande aussi pour ses livres. Donc les livres en fait sont générés, chaque couverture de livre est différente, elle est générée suivant un algorithme, c'est assez joli. C'est un peu une anecdote, mais ça montre aussi que autour d'un service comme l'impression à la demande, un éditeur peut vraiment imaginer une offre et peut aussi apporter une innovation dans la façon détaillée dont il va proposer son service. Donc on voit bien que quand l'édition est à la demande quand l'impression est à la demande du lecteur, quelque part l'éditeur est dans le coup. À un moment donné, l'éditeur va anticiper sur ce désir de ses lecteurs de pouvoir accéder à des ouvrages qui sont épuisés. Et il va organiser, il va faire en sorte, il va prendre un prestataire, peut-être travailler avec une e-book ou avec un de ses concurrents, et puis il va mettre en place une solution pour permettre à ses auteurs, à ses lecteurs, d'accéder à cette nouvelle offre. Avant de passer à des questions un petit peu, il y a un troisième axe dont j'aimerais parler, qui est rendu possible, enfin c'est un modèle un petit peu mixte entre l'édition numérique et l'impression à la demande, c'est tout ce qui se passe autour du livre personnalisé. Et là, il y a vraiment une gamme de nouveaux produits éditoriaux, je dirais même pas que c'est des produits, c'est des services, de nouveaux services éditoriaux, dont l'impression à la demande est un des éléments importants. Je vais prendre un exemple tout simple. On appelle ça aussi en bon anglais le pick and mix, c'est-à-dire l'idée de mettre non pas un livre tout fini que vous achetez, mais d'exploser complètement le livre en autant. Alors certains livres s'y prêtent. On va prendre l'exemple d'un livre de cuisine. On peut vendre un livre de cuisine, on peut le vendre en numérique, on peut le vendre en impression à la demande, mais on peut aussi éclater son livre de cuisine dans une base de données. On peut aussi mixer des bases de données, on peut aussi récupérer des recettes de cuisine venues de blogs, etc., etc. Et puis on peut proposer en ligne un service qui consiste à dire « faites vous-même votre livre de cuisine ». Et là, on devient un éditeur de service, c'est-à-dire qu'on propose aux gens ce service-là. On leur propose une base éditoriale pour qu'ils ne soient pas obligés d'inventer leur livre de cuisine parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller en ligne pour le faire. Mais on leur propose de choisir parmi beaucoup de recettes. On leur propose d'ajouter éventuellement leurs propres recettes. Et on leur propose aussi de donner à leur livre l'apparence qui va leur convenir, avec des feuilles de style, etc. Alors il y a des services extraordinairement sophistiqués d'un point de vue technique qui sont sortis comme ça. Généralement, le modèle économique fait que c'est gratuit tant que ça reste sur l'ordinateur, c'est-à-dire que vous vous abonnez au site, vous créez votre bouquin, vous avez un feuilleteur. Souvent, c'est des réalisations assez belles d'un point de vue technique. Vous arrivez à faire votre livre, etc. Et puis, tu parlais de freemium tout à l'heure, c'est typiquement un cas de modèle de freemium où effectivement, gratuitement, on offre un service valable, enfin, qui va intéresser des clients. Et puis, comment on se rémunère? On se rémunère sur le fait qu'un petit pourcentage des gens qui vont acheter ce service vont vouloir avoir le livre. Et là intervient l'impression à la demande. Alors il y a des modèles comme ça pour le livre de cuisine. Il y a un modèle comme ça qui fait pas mal de bruit parce que ça vient vraiment interroger toute une profession. C'est un modèle de livre scolaire ou de manuel universitaire où le manuel universitaire est gratuit, complètement gratuit. Alors ça, évidemment, ça fait toujours un peu chose, quoi. Un manuel gratuit, oui. Le manuel est gratuit, mais l'impression à la demande est payante. Et en fait, il y a un pourcentage important de gens, pour un livre sur lequel ils travaillent, qui vont avoir envie d'avoir la version imprimée. Voilà, bon, on pourra en parler pendant assez longtemps, mais ça montre un peu différents axes. Et c'est aussi de dire que du côté de l'éditeur, toutes ces nouvelles technologies, c'est toujours des occasions d'imaginer des choses, d'imaginer de nouveaux produits. De plus en plus, ces produits sont des services. Et ça implique aussi de changer un petit peu notre façon de penser notre métier, de devenir un peu plus technologique dans nos compétences, ou d'apprendre à dialoguer avec des gens, parce qu'on ne va pas se transformer, en start-up, on ne va pas transformer Robert Laffont en start-up en claquant dans les doigts comme ça, mais au moins, voilà, mettre en marche un processus qui vient remettre en cause des fonctionnements très anciens, et puis apprendre à penser un petit peu autrement le métier, et à dialoguer avec des gens comme vous, ou vos concurrents, si vous êtes trop cher. Voilà. Est-ce qu'on commence par quelques questions dans la salle ou... ouais. Oui, je pense que c'est bien. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est ouais, une ouais. forme aujourd'hui plus interactive que les autres, ça me semble intéressant. Oui, c'est... Vous avez évoqué la question des droits d'auteur quand on réimprime un livre épuisé. La question des droits d'auteur pour l'écrivain, pour les secteurs de la couverture, il y a aussi la question, en France au moins, du prix unique du livre. comment est-ce que cette économie-là peut s'accommoder du prix unique? Un livre en impression à la demande, c'est un livre, hein. Il peut avoir un ISBN et il peut rentrer dans le circuit des librairies, et dans ce cas-là, il rentre sous la loi. Mais qui a un coût de production qui n'est pas forcément adéquat avec le prix qui avait fixé au moment où. Ah oui, c'est ça. Ah oui, le prix, c'est-à-dire qu'il va se retrouver plus cher, et est-ce que comment on peut. Qui paye la différence et quel. Peut-être juste moi, voilà. Ouais. Ça, c'est un peu. Ça, c'est une question pour Luc. Non, ça, c'est un peu. Ce modèle-là, on l'offre gratuit vers l'éditeur. Donc c'est l'éditeur qui gère un peu les droits avec l'auteur. En effet, qui allait payer tout ça, c'est le consommateur. Oui, mais la question c'est que en France, on a une loi qui fait que on doit vendre le livre au prix fixé par l'éditeur. Oui, mais le prix. Mais ça peut être une réédition. Le prix unique, ça ne veut pas dire le prix unique pour toute la vie, toujours. Ça veut dire pour une édition. Pour une édition. Et même avec là, c'est une réédition en fait. L'édition peut être donner un nouveau prix par l'éditeur. Oui, oui. C'est deux fois par an que l'éditeur puisse changer le prix. Oui. En général, et ça c'est un peu le magique, allez, pas vraiment le magique, c'est quelque chose de spécifique avec le printing on demand, que c'est un livre unique. Si vous venez dans la librairie, on a imprimé ce livre spécialement pour vous. Mais c'est clair que pas tout titre puisse offrir ce service-là, c'est-à-dire par exemple un livre guide touristique. Si je vais ici dans la librairie dans le coin et je dis j'aimerais bien avoir ce guide touristique de Marseille, il me disait ok, je ne l'ai pas, je peux la commander spécialement pour vous, mais regarde, j'ai encore 5 autres guides touristiques de Marseille, je suis certain que le vieux port sera aussi là-dedans. Donc il faut avoir une valeur ajoutée que vous, comme consommateur, êtes prêt à payer un prix plus cher. Là, on a fait un peu les recherches. En certains pays, il y a une flexibilité de 50%. Chez nous, en général, on reprend entre 25 et 35%. Mais ça, il faut avoir aussi avec la volonté du consommateur de payer un prix plus élevé que le prix original. Par contre, il y a aussi la différence entre le processus numérique. Là, c'est le nombre de pages qui compte. Donc, un livre épais en numérique est beaucoup plus cher qu'un livre moins épais. Normal. Mais en offset, ce n'est pas toujours le cas. C'est un peu l'exemple avec un livre littéraire vis-à-vis un livre économique ou quoi que ce soit. Donc là, il y a aussi le prix de marché qui est différent. En ce domaine-là, si on va imprimer à l'unité, c'est vraiment le prix de fabrication qui va coûter. Cela dit, il y a quand même un problème, c'est que les livres qu'on fabrique en ligne, il est d'accès gratuit et qu'il est payant qu'en papier. Est-ce que le prix unique du livre s'applique pour le livre électronique? Non, parce qu'actuellement, dans la loi française, la loi langue ne s'applique pas au livre électronique, parce que le livre électronique ne rentre pas dans la définition fiscale du livre. Et la définition sur laquelle se base la loi, c'est la définition fiscale. Il n'y a pas d'accord encore? Pas encore, ça se discute toujours. Juste une petite question complémentaire par rapport au statut du livre électronique. Quand il n'est qu'électronique, il ne peut pas avoir de numéro ISBN. Je crois que c'est en cours. Est-ce qu'il peut en avoir ou pas? J'avoue, je sais. Pour les SSN, il y a des SSN électroniques. Mais là, il n'y a aucun problème. Mais si, bien sûr, j'ai eu un blanc. Mais bien sûr qu'il a. Non seulement il a un ISBN, mais dans les maisons d'édition, on fait un ISBN par format. Pour des raisons de gestion, en fait. Parce que les systèmes informatiques qui nous permettent de remonter l'information qui arrive de chez les distributeurs sur nos ventes, et pour ensuite calculer les droits d'auteur qu'on va reverser aux auteurs, ils sont tous, vraiment l'unité sur laquelle on réfléchit, c'est l'ISBN. Et donc, si on veut pouvoir que tout ça fonctionne, et comme ça ne va pas être les mêmes prix, et pouvoir faire les calculs facilement, et pas bouleverser complètement les systèmes, on affecte, et en plus ça a été discuté au niveau européen entre les éditeurs et au niveau mondial, et pour l'instant, la préconisation, c'est un ISBN par format. Sachant la jungle des formats actuels dans le livre numérique, sachant qu'on peut aussi vendre des livres par morceaux, genre des guides de voyage au chapitre, chez nous, on a l'exemple des éditions Lonely Planet qui projettent là de vendre des guides au chapitre. Il y a un ISBN par chapitre. Donc là, les ingénieurs se deviennent complètement fous parce qu'on explose leur base de données. Là où on avait un ISBN, on arrive parfois à avoir 25 ISBN. Même si le livre n'a pas d'existence physique, même Absolument, absolument, absolument. Ben, il a une existence de, comment dire, il a été vendu en tant que livre à un client, quoi. Donc c'est, voilà. Je croyais que jusqu'à récemment, il fallait qu'il ait une existence physique avec un certain nombre de chapitres constitués et même un tirage papier minimum de 150 ou 200 exemplaires pour le dépôt légal. Tout ça a explosé. Je crois que ce dont vous parlez, c'est la définition fiscale du livre. Ça, c'est exact. Mais le fait que le livre numérique n'entre pas dans cette définition, ça ne veut pas dire qu'on ne lui donne pas... En plus, ce n'est pas la loi qui décide. Les ISBN, ce n'est pas des choses sur lesquelles on légifère. C'est une commodité qui a été décidée par la profession, par l'ensemble de la chaîne du livre, parce que c'était vraiment très, très pratique, quoi. Et en plus, selon les pays... L'ISBN, il est payant ou il est gratuit. En France, il est gratuit. Aux États-Unis, il est payant. D'ailleurs, les petits éditeurs américains ne mettent pas du tout l'ISBN sur leur livre numérique parce que ça leur coûterait simplement trop cher. Parce qu'ils payent très cher leur numéro ISBN. Pas forcément nécessaire d'avoir un numéro ISBN. C'est parfois les gens qui pensent, oh, ça a l'air beaucoup plus. Parce qu'il y en a autant de gens qui passent chez nous qui disent, il ne me faut pas un numéro ISBN, mais j'aimerais bien avoir ça. Ah, ce que ça fait livre. Là, on est vraiment dans le vanity publishing. Donc, c'est vraiment... C'est quoi la définition d'un livre ? Ça devient un livre quand vous avez ça. Ouais. J'aime bien cette anecdote. Je pense que je la résume. D'autres questions ? Vous prévoyez que des demandes d'impression pour un livre électronique bientôt directement. Oui. Mais dans la mesure où le copie est chargé sur la liseuse appartient à une maison d'édition, est-ce que vous aurez le droit de l'imprimer? Est-ce prévu de reverser des droits? Comment ça va marcher? Bonne question. Très bonne question. C'est pour ça qu'on a aussi pris la décision de ne pas être un éditeur. On vous laisse les problèmes. On vous laisse... Non, mais c'est vrai. Parce qu'à certains moments, si vous venez un éditeur, vous êtes aussi responsable du contenu des livres que vous allez éditer. Et là, nous n'avons pas l'expérience ni la demande de devenir un éditeur, de lire tous nos livres, parce que pour nous, et ça c'était venu très clair assez vite, que les vanity publishers, ces gens-là ne sont même pas vraiment intéressés de mettre leurs livres sur un site comme le nôtre, parce que pour eux c'est toujours un peu, parfois c'est un peu bizarre, les écrivains, au lieu de les publier gratuitement sur un site et de vendre peut-être quelques exemplaires et de gagner un peu d'argent, ils aimeraient mieux de le jeter dans la poubelle, de dire, ok, de nouveau, j'ai pas trouvé un maison d'éditeur qui pourrait le publier. Donc là, on a dit, ok, en mettant un livre sur notre site, vous accepterez que vous avez les droits de ce livre-là. Donc, c'est vraiment, de notre côté, on a dit, ok, on est bien bloqué là. Pour nous, c'est sûr que jamais il y aura quelqu'un qui pourrait nous faire un projet contre nous. Mais à vrai dire, si c'est, on ne va pas le vérifier non plus. Par contre, on a la possibilité d'effacer un livre si par contre le livre a un contenu inacceptable, un contenu naziste, quelque chose comme ça. On a le droit de l'effacer du site, mais on ne va pas le vérifier si c'est le premier droit, un co-auditeur, à qui est-ce qu'on va payer les droits d'auteur. Là, c'est un peu flou. Hein. Ça, on sait aussi. Comment est-ce que ça peut être rentable d'imprimer un seul... Bonne question. Pour la plus grande partie des gens, comme je l'avais dit, la plus grande partie de nos clients, ce sont des gens qui ont publié un livre pour quelle raison que ce soit. Ils sont même surpris que, par exemple, pour un livre de 115 pages, ça vous coûte que 9 euros. Ça pourrait être beaucoup, certains pour les entreprises éditeurs qui disent 9 euros, on pourrait l'imprimer à 2-3 euros. Mais à ce moment-là, on parle des tirages de 300, 3000. Même en numérique, un prix, ce sera inférieur à 6-7 euros. Mais chez nous, ce n'est pas uniquement le prix le prix de l'impression, mais c'est aussi la plateforme qu'on vous offre. Là, il y a un certain marge. Mais en effet, c'est en effet, télécharger votre livre, c'est gratuit. Dès que vous allez imprimer, ça va vous coûter de l'argent. Mais là, c'est aussi un peu l'idée économique et l'idée marketing que on va aider nos auteurs de vendre des livres. Ça, c'est un peu le côté marketing de dire, OK, on va vous donner des petits atouts pour faire la commercialisation de votre livre. C'est un peu l'histoire avec l'Université de Louvain qui dit, OK, vous pouvez mettre un lien là et à ce moment-là, les gens puissent directement acheter ce livre-là. C'est aux auteurs même de faire le marketing de leur propre livre. Mais ça, c'est aussi un peu le vanity. Quand moi, j'ai écrit un livre, je vais contacter mes 5 amis, je vais dire, OK, vous allez acheter mon livre. Pas parce que c'est un bon livre, peut-être non, mais parce que c'est chaque fois que je les vois, je les dis, il faut acheter mon livre. Donc ça, c'est un peu le viral marketing qui nous permet à gagner de l'argent. Mais c'est un peu surprenant de savoir que vous pouvez publier ou avoir un livre qui même avec le code barre, ressemble à un vrai livre, mais même sans ça, à 9 euros ou à 10 euros, à 15 euros. Donc la question, c'est fondamentalement à partir de combien de livres que vous imprimez, vous allez essayer de rentrer. Pour nous, c'est à partir d'un livre. Non, c'est à partir d'un livre. À partir d'un livre, oui. Ça, c'est un peu la différence entre l'offset et la numérique, le petit tirage. Là, il y a toujours encore un investissement à faire. Les 5 ou les 10 ou les 5 en première, vous ne gagnez rien et par après, vous gagnerez de l'argent. Chez nous, c'est vraiment à partir de la première livre, on gagne un certain pourcentage. Sinon, ça, c'était pas rentable. Après, sur l'exemple de l'impression, la demande en réimpression sur le cas de Faber dont je parlais tout à l'heure, je pense que l'éditeur ne gagne pas d'argent avec ça. Je pense que c'est quelque chose que l'éditeur fait pour rendre service à ses lecteurs et puis il gagne de l'argent parce que ça lui... Parce que ça, voilà, parce qu'il apparaît comme quelqu'un qui fait bien son boulot, quoi. Mais c'est pas toujours, on gagne pas toujours directement de l'argent sur quelque chose. Ça lui permet de contourner certaines clauses contractuelles qui l'obligent à faire. Oui, alors ça a été beaucoup aussi débattu, cette histoire de faire en sorte qu'un livre demeure non épuisé tant qu'il est disponible en impression à la demande. C'est vrai. C'est vrai que, par exemple, si le règlement Google était validé par le juge, ce qui paraît assez mal barré, mais ce qui peut encore arriver, c'est une façon pour que les livres soient considérés comme épuisés, comme non épuisés, et ce qui change complètement leur statut dans le cadre de ce règlement. Bah, d'abord, je ne peux pas dire les éditeurs, parce que les éditeurs, c'est comme les livres. Hein. Il n'y a pas un livre, il y a des livres. Il n'y a pas un éditeur, il y a des éditeurs. Ce que je peux vous dire, parce que j'ai travaillé avant d'être dans le groupe où je travaille actuellement chez un éditeur scolaire, c'est qu'il y a vraiment des éditeurs que cette problématique passionne. C'est-à-dire qui réfléchissent vraiment à comment on va changer leur métier et qui sont capables de passer des dizaines de réunions à imaginer quel genre de... Voilà, comment ils vont pouvoir construire des modèles. Ça m'est arrivé de travailler sur des projets de ce genre chez Magnard, où j'ai travaillé pendant 2 ans avant d'arriver chez Editis, sur des projets, vraiment sur des projets comme ça, un petit peu fous, quoi, de se dire, voilà, et si on mettait tout ce qu'on a sur base de données, et puis qu'on signe des accords, et puis qu'on permette... En fait... Qu'est-ce qu'ils font les enseignants avec les livres scolaires? Je parle du scolaire, je parle pas des universités que je connais moi, mais le scolaire, voilà, de la maternelle au bac. Qu'est-ce qu'il fait un prof d'histoire de 5e? Au début d'année, on lui envoie les spécimens de chez Nathan, chez Bourdin, chez machin, chez truc. Qu'est-ce qu'il fait quand il prépare son cours? Il faut vraiment être le pauvre prof pour prendre le bouquin Bourdin et puis dire au gamin, ouvrez le bouquin Bourdin à la page 64 et faire le cours. Le bon prof, il prend le Bordas, le machin, le truc, le web, de plus en plus d'ailleurs, son Google, son machin, son truc. Et puis, il fait du coupé-collé. Et alors, comment il fait? Comme c'est pas numérique, ben, il fait des photocopies, et puis il coupe avec des ciseaux, et puis il prend UU stick, et puis hop, et il assemble sa page, et puis dans le cartable de votre gamin, vous retrouvez une page toute chiffonnée au fond, et c'est ça, c'est mon cours d'histoire. Bon, voilà. Et on s'est dit, pourquoi est-ce que. Et c'est génial. En plus, ça fait sûrement un bien meilleur cours que le prof d'histoire qui va lire le cours de l'édition Nathan ou Bordas de cette année, où il y a 3 ans, si le bahut n'a pas eu à part renouveler ses livres depuis longtemps. Il n'y a plus de texte dans les manuels, donc ils ne peuvent pas lire. Oui, c'est vrai. Parce qu'on parle de notre enfance. Quoi. Non, quand même. C'est des livres d'images maintenant. Beaucoup, de plus en plus. C'est vrai que je d'accord. Je me suis étonné, je me disais, comment est-ce qu'on peut faire un cours avec notre... Mais ça va demander aussi aux éditeurs beaucoup plus de travail pour préorganiser ce réagencement, c'est-à-dire description des définitions d'unité. Ouais, absolument, c'est tout l'enjeu de la structuration. Ça ne peut se faire. Alors, d'ailleurs, il y a des entreprises qui sont vraiment spécialisées dans la structuration, dans le XML, etc., qui ont, j'en ai vu une très grosse aux États-Unis, qui font des joint ventures, c'est-à-dire qui se rapprochent d'entreprises qui imaginent ce type de service, parce que ça fait sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à structurer un contenu vraiment très très finement, il est disponible pour des destins beaucoup plus variés. Et on va pouvoir effectivement imaginer parce qu'il faut adresser effectivement chaque portion de contenu dans ces cas-là. Il faut pouvoir retrouver rapidement, facilement, quel élément, et puis trouver les moyens de donner à l'utilisateur la façon d'assembler tout ça simplement. Et c'est vrai que ça demande un gros travail en amont. Mais bon, quand même, la structuration XML, ça arrive hein, maintenant. Le start des XML, ça arrive doucement chez les éditeurs, plus dans certains segments d'édition que dans d'autres, mais ça arrive, on ne peut pas y couper maintenant. Excuse-moi, ça existe concrètement aujourd'hui sur ce genre de... Oui, alors j'ai... L'exemple le plus... Une entreprise américaine, j'ai toujours beaucoup d'exemples américains, je me fais tuer comme ça, mais ils sont quand même assez un petit peu en avance sur nous, ce genre de truc. Il y a une boîte américaine qui est vraiment efficace là-dessus, c'est Shared Books. Alors, eux, ils ont... Shared Books, en fait, ils vendent aux éditeurs le service, et donc ils l'ont vendu à... c'est eux qui opèrent un site qui s'appelle allrecipes.com, qui est un service de livres de cuisine. Mais ils opèrent aussi des livres, ça existe aux États-Unis, je ne sais pas si ça existe beaucoup en France, des livres pour les funérailles des gens, c'est-à-dire des livres à la mémoire des défunts. Il y a tout un commerce autour des funérailles aux États-Unis plus développé que je pense qu'en France, mais ils font aussi des livres, faites votre livre d'hommage, etc. C'est pour dire comme c'est très varié. Il y a ça, ils font du livre jeunesse personnalisé où ils rééditent des vieux livres avec la possibilité de faire une dédicace simplement. C'est très petit comme personnalisation. Enfin, ils ont plein de modèles différents. C'est aussi Wolters Kluwer qu'ils font avec les livres pour les universités. Mm. Donc là, il y a aussi la possibilité de créer votre propre manuel, propre. Personne ne faisait ça depuis longtemps d'ailleurs, avec des moyens, on n'était pas encore dans le web 2.0, ils faisaient avec des moyens très rudimentaires de formulaires, de clics dans le formulaire, etc. pour choisir. C'était plus du manuel universitaire en noir avec des chapitres. C'est pour dire cette année on va étudier tel texte, et ben hop, on va faire en impression à la demande un manuel en sélectionnant tels extraits. Mais vous voyez aussi directement le lien avec le e-book là-dedans, que là vous avez aussi la possibilité de faire des petites notes et de faire toutes les suppléments qu'un e-book va vous donner, de les combiner avec certainement là, je croyais fortement en les e-books, mais uniquement dans le domaine universitaire, beaucoup plus que dans le domaine littéraire, par exemple. Moi, j'aurais aimé avoir un éclairage sur l'offre, la typologie des prestataires d'impression à la demande. Est-ce que en fait, ça fait tous sur les mêmes technologies et tous globalement sur le même modèle, ou en fait, on a un peu plus de recul et en fait des stratégies qui sont vraiment différentes à la fois sur les technologies et sur les modèles, parce que moi de personnel je connais Blurb. Ouais. C'est un nom un peu en français, ça sonne pas très bien, Blurb, mais ils ont une très belle plateforme, c'est très impressionnant. Ouais. C'est très impressionnant. Alors c'est pas vraiment des livres, parce que si c'est des livres de photos qui sont faits souvent l'alliance avec Flickr, mais bon, ils sont pas, c'est pas une succursale, une subdivision de Flickr, c'est un satellite de Flickr, comme Moop le fait aussi pour les cartes de visite, et qui fait des vrais livres au niveau apparence, tout ça, qui sont lisibles en ligne, en électronique avec une liseuse, et qui sont imprimables, et qui sont d'assez bonne qualité. Mais alors, on va en commander un pour voir ce que ça donne, parce qu'on ne l'a pas vu encore. C'est un modèle donc vraiment orienté photo avec une fabrication spécifique et un travail. Alors, ce qui est intéressant, moi, ce qui me semble intéressant, parce que là, on a une forme de déshumanisation ou de désintermédiarisation, puisque votre travail, c'est d'aller beaucoup à la destination de quelqu'un qui va vous envoyer un PDF et vous l'imprimer. Hein, donc, il y a moins d'intermédiaires. C'est correct. Mais là. Alors, il y a un autre modèle, c'est celui de Blurb. C'est, il vous permet de télécharger un logiciel qui est assez évolué, qui vous permet de faire une composition assez fine. Et si vous vous rendez compte que vous êtes mauvais, ce qui est probable, il vous propose des prestataires qui sont des individus, en fait. Et qui, vous pouvez, il y a la liste des graphines qu'ils ont déjà fait, qui vous propose des compositions préfabriquées. Alors voilà, c'est un petit prix. Et puis des compositions personnalisées, c'est plus cher, parce que vous entrez en contact avec un être humain. Et là, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'en fait, il y a des compétences qu'on pensait obsolètes, dépassées, périmées, etc. Parce qu'au fond, on allait tout mettre dans une grosse machine industrielle qui les fabrique, allait pondre du livre automatique. À la tonne, vraiment une sorte de... Et là, en fait, on réintroduit de l'humain, on réintroduit de la petite entreprise, de l'individu qui a apporté de la créativité, etc. Bon, je ne vais pas dire que c'est l'élément humain qui chante, hein, c'est pas nécessairement ça, mais c'est quand même plus intéressant, on réintroduit l'humain et du contact entre des professionnels et des acteurs. Mais c'est à destination, je dirais, de photographes avancés, hein, plus que de photographes amateurs. Alors qu'il y a des modèles de type MyPix et tout, qui sont des albums photos. Vraiment, famille. Voilà, ça c'est famille. Très basique, avec pas beaucoup de choix. Mais c'est vrai, il y a une offre aussi, je crois, plus développée aussi aux États-Unis qu'en France. Aux États-Unis, l'auto-édition, il faut le savoir, ça, c'est en développement, mais absolument incroyable. Il y a plus de gens qui écrivent que de gens qui lisent aux États-Unis. Tout le monde publie son livre. Quoi. C'est vraiment un phénomène. Ils en parlent, les éditeurs échangent sur ce sujet. Alors, il y a aussi des sites d'impression à la demande qui sont plus orientés sur l'accompagnement de l'écrivain vers l'édition et qui vendent des services autour du livre. Ce qui est un peu nouveau dans le modèle d'Unibook, qui ressemble au modèle de Lulu.com, qui est bien connu, qui ressemble au modèle de Books on Demand. Ça, c'est un petit peu les trois gros acteurs en Europe, et lui aussi aux États-Unis. Ce qui vous rassemble, c'est les prix bas. Les prix bas, parce que vous vendez une chose, vous vendez l'impression. Vous vendez l'impression et vous mettez tout en œuvre pour que cette impression soit facile. Et vous travaillez beaucoup sur la qualité de l'ergonomie de votre plateforme pour que voilà, l'expérience de commande d'un livre, d'une édition à la demande soit super agréable, super simple, super fluide. Plus ancien, il y a une génération de sites plus anciens dont le modèle économique était différent. Ils jouaient moins sur le fait d'avoir une grande masse de gens, mais ils vendaient des services avec des packages. Par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle iUniverse, qui est, je crois, une des plus renommées plateformes d'impression à la demande aux États-Unis. Mais sur ce site-là, on trouve des packages qui commencent à $599. C'est-à-dire que là, l'écrivain, en fait, c'est assez américain. L'écrivain investit sur son propre livre. C'est-à-dire qu'il n'est pas édité. C'est pas forcément parce qu'il n'a pas... parce qu'il a été refusé par les grands éditeurs. Il y a moins cette tournure d'esprit Saint-Germain-des-Prés, très romantique de l'auteur-écrivain. Il y a plus une idée... je vais faire de l'argent en écrivant un bouquin et je vais devenir vachement célèbre. Et ça, c'est quelque chose qui se dit tranquillement, quoi. Et les gens se disent, si je suis édité, mais mon éditeur, il édite 150 bouquins dans l'année, il va pas s'occuper bien de mon livre. Moi, je vais m'éditer moi-même, parce que moi, avec le Web 2, avec tout ce qui existe maintenant et tout, je vais m'occuper super bien de la vente de mon livre et je vais me débrouiller mieux que l'éditeur. Donc voilà, il y a cette idée vraiment volontaire de se dire je n'ai pas besoin de l'éditeur. Et les gens investissent. C'est-à-dire les gens peuvent payer sur leur propre denier un correcteur. Ils peuvent, et ils ont bien raison de le faire d'ailleurs, parce que quand on quand on fait de l'auto-édition et que personne ne vous relit, même les meilleurs font vraiment des quantités de fautes assez désagréables à la lecture. Donc ils sont capables d'investir dans un correcteur. Alors ces services offrent ça. Ils offrent, alors il y a le package de base où il n'y a pas grand-chose, et puis plus vous voulez un service évoluer, ça peut aller jusqu'au conseil d'un éditeur. Donc petit à petit, la profession de l'édition se reconstitue comme ça, mais complètement présentée différemment. Et donc là, sur ce créneau-là, il y a plusieurs entreprises. Leur nom ne vous dira pas forcément grand-chose. Il y a iUniverse. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre ? Virtual Book Worm Publishing. Enfin, je pourrais peut-être mettre sur le site du Cléo un ensemble de liens vers ces plateformes, si vous voulez les observer. Voilà. Et bon, ça, c'est un peu... C'est un peu... Alors, une dernière chose, dans ce même état d'esprit, très, self-made man, un gros éditeur américain, le groupe HarperCollins, a développé un service qui s'appelle Autonomy, dont aussi un des auteurs du Read, je crois que c'est, je sais plus qui, c'est Milad Douai qui en parle dans Read Write Book, un site destiné aux ce qu'on appelle les wannabes, aux gens qui souhaitent être publiés, les gens qui veulent, qui écrivent et qui ont envie d'être lus, et puis souvent ils ont envie d'être publiés. Et donc c'est un site sur lequel on peut publier son livre en train de se faire. Et puis il y a un système de commentaires, il y a un système de classement, et donc les livres apparaissent en première page s'ils sont très appréciés, s'ils ont beaucoup de commentaires. C'est un système bien connu dans le monde du web de zéro. Et puis il y a une espèce de promesse tacite de Harper disant voilà, ça va être un vivier, nos éditeurs vont regarder les manuscrits, enfin, vont regarder les textes, et puis quelques-uns seront publiés. Et effectivement, une ou deux fois par an, ils annoncent qu'il y a 4 ou 5 textes qui sont choisis pour être publiés. Et là, ils viennent de signer un accord avec une boîte d'impression numérique qui a été rachetée récemment par Amazon. Je crois que c'est CreateSpace, mais je ne suis pas sûre. Il faudra que je vérifie et que je mette le bon nom sur le site de l'université d'été, pour offrir à cette communauté des utilisateurs de Autonomy une fonctionnalité de print on demand. Ça veut dire que vraiment là, ils jouent sur les deux tableaux. Ils offrent une plateforme pour que les gens écrivent, proposent leur texte aux autres à la lecture, avec une promesse de on y jettera un coup d'œil et il y a une petite chance qu'un éditeur vous remarque. Comme quoi, quelque part, l'édition par un éditeur reste une espèce de consécration quand même importante, symbolique, forte. On ne va pas s'en plaindre. Et puis, mais en même temps, si vous voulez, vous pouvez aussi imprimer votre livre et puis vous débrouiller pour le vendre, etc. Et on vous donne les outils pour. Nous, éditeurs, alors c'est pour ça que dire les éditeurs ont peur de l'auto-édition, HarperCollins, je ne sais pas s'ils ont peur de l'auto-édition, je ne discute pas tous les jours avec eux, mais en tout cas, ils savent que l'auto-édition existe. Ils font avec, ils s'en servent et même ils offrent des services aux gens qui souhaitent être auto-édités. Donc ça montre la complexité de l'univers de l'écosystème du livre et de l'édition un peu partout. Et c'est, enfin, je trouve ça assez intéressant dans tout ce que ça fait bouger, dans ce que Pierre Mounier avait décrit comme l'explosion de la chaîne du livre, qui n'est plus une chaîne, quoi. Vraiment, là, c'est des exemples très très typiques du fait qu'on ne peut plus jamais, nulle part, parler de chaîne du livre avec ses maillons traditionnels, et qu'on est dans quelque chose qui est en réseau et dont chacun des éléments du réseau peut interagir avec pratiquement tous les autres. Et donc c'est vraiment très fascinant à observer. Je crois qu'on a terminé conclure sur ce point, et demain on parlera d'économie plus précisément. Oui. Il y aura des questions sur le droit d'auteur et sur l'avenir du droit d'auteur. Je vous remercie.